Toyota. Bon, papa compte les équipements de la Yaris et toi, tu vas te cacher, ok? D'accord. Connectivité smartphone, caméra de recul, freinage d'urgence automatique, Bluetooth... On n'a pas fini de compter tous ces équipements. En ce moment, la Toyota Yaris avec connectivité smartphone est à partir de 109€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable jusqu'au 30 juin dans le réseau participant pour une Yaris France Connect 70 VVTi, 3 portes 9 ans, LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2090€ sous condition de reprise, plus de 8 ans, prime à la conversion de 1000€ déduite. Voir toyota.fr. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Au menu de notre club cet après-midi, les deux derniers candidats de ma thèse en 180 secondes, du théâtre pour vous embarquer dans le monde des rêveurs lucides, et puis enfin une nuit de l'astronomie pour remplacer votre sommeil par des étoiles et des structures de l'univers. Et je vais vous présenter bien sûr nos invités dans un instant. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Une question importante aujourd'hui à la une de la science, pourquoi le sexe? Eh oui, cette question, les biologistes se la posent depuis plus de 50 ans. Pourquoi la reproduction sexuée a-t-elle été inventée par le vivant alors qu'il existe des moyens bien plus efficaces de se reproduire? Réponse dans un instant avec notre invité. On a hâte. Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette émission préparée par Lucie Sarfati et Irène Menahem. La tête au carré. Le club. Avec Mathieu Vidard. Sur France Inter. Et je salue les invités de ce club, nos deux doctorants Émilie Hubi et Sylvain Laborde, un physicien et une astrophysicienne Francis Bernardo et Sandrine Cody, et le comédien Marien Tillet que va nous présenter Sophie Bécherel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue, Émilie Hubi et Sylvain Laborde, vous êtes donc les deux derniers candidats en lice pour le concours Ma Thèse en 180 secondes, avec lesquels donc on va faire connaissance au micro de La Tête au Carré. Vous serez sur la scène de la Maison de la Culture de Grenoble jeudi prochain. Émilie Hubi, vous êtes donc doctorante à l'université de Reims-Champagne Ardennes, dans un laboratoire, on prononce comment le nom de votre labo? GGENA. GGENA, voilà, ouais. Ça signifie groupe d'études sur les géomatériaux et environnements naturels anthropiques archéologiques. On aime bien les noms très très longs. Et tout comme votre intitulé de thèse d'ailleurs, j'imagine. Oh, ça va. Ça va, c'est il pas est le plus compliqué. Oui, bon, non, ça va. On y va, vous nous le donnez? Ouais, alors c'est caractérisation, détection et modélisation de l'effet thermique sur les matériaux de la basilique Saint-Rémy à Reims. Ouais. Bon, et on comprend à peu près de quoi il s'agit finalement. Ah oui, il n'y a pas trop de mots compliqués. Sylvain Laborde, vous êtes doctorant à Normandie Université, au Centre d'études sport et actions motrices. C'est le CESAMS? C'est le CESAMS, voilà. On prononce comme ça. Est-ce que vous pourriez également nous mettre en appétit avec le titre de votre thèse, s'il vous plaît? Ma thèse s'intitule Activité vagale cardiaque et respiration lente contrôlée. Influence sur le stress et la performance des fonctions cognitives exécutives chez le sportif. Voilà. Et on va parler beaucoup de mental d'ailleurs, hein, aussi fait. Avec vous. Et vous nous expliquerez que c'est le coup de boule de Zidane qui vous a donné envie de faire votre thèse. Exactement, voilà, donc merci Zizou. On va remonter à l'année 2006. Francis Bernardo et Sandrine Codis, on va parler avec vous de cette nuit blanche de l'astronomie qui va se dérouler donc dans la nuit de samedi à dimanche à l'Institut d'Astrophysique de Paris. C'est dans le cadre des 80 ans du CNRS. Les scientifiques sont évidemment mobilisés. Sandrine Codis, vous allez présenter à 20h une conférence sur les grandes structures de l'univers, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. De quoi il s'agit exactement? Alors, je vais vous parler un petit peu de ma passion, en fait, du travail qui me passionne depuis quelques années, c'est-à-dire de galaxies, comme la Voie lactée, notre propre galaxie. Et je vais un peu vous expliquer pourquoi ces galaxies ne sont pas des îles qui flottent un peu indépendamment dans l'univers, mais qu'elles se regroupent, elles forment des structures. Et on verra en quoi c'est intéressant. Oui. Francis Bernardo, alors vous allez devoir vous lever très très tôt, ou d'ailleurs pas dormir du tout, hein. Vous êtes mal loti, hein, 5h du matin pour parler de la cosmologie primordiale. Voilà. Ben dis donc, hein, il faut aimer son boulot quand même, hein. Donc j'espère que je vais pouvoir quand même passionner et réveiller les auditeurs. Et le public surtout. Et le public. Et donc pour parler effectivement de l'univers primordial et pourquoi on est en train de rechercher les lois fondamentales de l'univers et comment on essaie de progresser dans les 20 ans qui viennent. Puisque en fait le thème de cette nuit blanche de l'astronomie, c'est aussi de se projeter... Dans les 20 prochaines années. Allez, on encouragera Francis avec les croissants et le café chaud à 5h du matin, donc à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Sophie Ce n'était que le micro. C'était très joli, ça. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé la pièce paradoxale et c'est pourquoi Marien Tillet est là pour en parler. C'est lui l'auteur, l'acteur. Oui. C'est une pièce sur les rêveurs lucides et elle est qualifiée de thriller scientifique. Elle met en scène plusieurs personnages, dont Marilyn, une journaliste qui va se plier à une expérience scientifique justement pour comprendre ce que sont ces rêveurs lucides. Alors, je vous pose tout de suite la question. Qu'est-ce que sont les rêveurs lucides ? Les rêveurs lucides, ce sont des gens qui, quand ils sont en train de rêver, sont conscients qu'ils sont en train de rêver. Ils se disent, tiens, là, je suis en train de rêver. Ça nous est tous arrivé d'ailleurs, ça. Hein, mais absolument. Ouais, c'est arrivé seulement à 12% de la population. Mais c'est un peu compliqué de trouver des vraies statistiques. Et après, il y a toute la question de ça m'arrive, je m'en rends compte. Et ça m'arrive et je peux agir et changer le déroulé de mon rêve. Ouais. Et toute la pièce est autour de ce jeu entre réalité et rêve. Et vous êtes en tournée en ce moment, oui, plusieurs dates dans toute la France, on en parlera tout à l'heure. Et puis bien sûr, vous répondrez tous aux questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense due au vainqueur et une fabuleuse promesse de vie, la rencontre avec un ovule. Et pourquoi le sexe dans le vivant ? Drôle de question aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard. Et pourtant, Mathieu, quand on y réfléchit un peu, elle est parfaitement légitime. Si la finalité du sexe est de se reproduire, pourquoi s'embêter à chercher un partenaire, tout mettre en œuvre pour échanger du matériel génétique avec lui et espérer la réussite de la fécondation alors qu'on pourrait tout simplement se dupliquer ? La question taraude les biologistes depuis 50 ans et aujourd'hui, un chercheur de Montpellier propose une nouvelle explication plutôt séduisante. Le sexe est peut-être la meilleure arme jamais inventée pour éviter la transmission des cancers. Bonjour Frédéric Thomas, cette idée c'est la vôtre. Bonjour. Vous êtes biologiste de l'évolution, directeur de recherche pour le CNRS, avec nous depuis les locaux de France Bleu à Montpellier. Alors on viendra dans une seconde partie à cette histoire de cancer, j'aimerais qu'on revienne sur le postulat. Pourquoi le sexe ne semble pas la meilleure idée quand on souhaite se reproduire ? Alors c'est en effet une des plus grandes énigmes pour les biologistes de l'évolution, parce qu'en fait le clonage, hein, se dupliquer à l'identique, semble en effet être bien plus simple et plus efficace pour se reproduire. Par exemple, pas besoin de rechercher et de séduire un partenaire sexuel, ce qui sauve du temps, de l'énergie, des ressources. Hein. Imaginez la queue du paon par exemple, ça évite des risques de prédation, d'exposition à des parasites sexuellement transmis. Idem, si vous êtes parfaitement adapté à votre environnement, autant donner des descendants qui vont être identiques à vous-même, plutôt que d'aller casser ces adaptations avec des combinaisons génétiques, etc. Bref, il y a encore plein de coups. Le sexe, disons-le, c'est risqué et coûteux. Et pourtant, c'est la règle. Donc il y a un vrai paradoxe. Et c'est vrai que les biologistes de l'évolution cherchent depuis plus de 50 ans les bénéfices, puisque s'il y a des coûts et que c'est malgré tout présent, en monnaie darwinienne, c'est parce que finalement le bénéfice est supérieur au coût. Donc toutes les recherches ont essayé de déterminer ces bénéfices. Alors on en a identifié. Hein. On sait par exemple que le sexe permet de réunir plus rapidement dans un même individu des bonnes mutations. À l'inverse, ça permet aussi de rebrasser à chaque génération et donc du coup on n'est pas condamné à accumuler inexorablement des mauvaises mutations. Et puis l'hypothèse sans doute la plus célèbre, c'est celle qu'on appelle l'hypothèse de la reine rouge, qui propose que le sexe permettrait de générer à chaque génération des descendants nouveaux et donc de mieux résister aux parasites qui eux évoluent très vite. Mais alors, ces explications sont... Oui, si vous proposez aujourd'hui une nouvelle explication, c'est bien que toutes celles qui ont été apportées jusqu'à maintenant ne suffisent pas alors. Elles suffisent pas parce qu'en fait, elles n'expliquent pas pourquoi certaines espèces font du sexe permanent, obligatoire. Ouais. Puisque toutes les explications que je viens de donner là, en fait, ça marcherait très bien si on faisait de la reproduction sexuée et asexuée à la fois. Hein. C'est-à-dire qu'on alternerait les deux. Donc, c'est pas le cas pour plein d'espèces. Le sexe est obligatoire. Et donc là, c'est une vraie question. Pourquoi certaines espèces font du sexe obligatoire ? Alors, votre théorie très nouvelle se résume en une phrase. Hein. Le sexe est apparu comme une opportunité de protection contre un fléau qu'on connaît tous aujourd'hui, le cancer. Expliquez-nous un peu le lien entre les deux et comment vous l'avez fait alors. Alors effectivement, dans cette publication, nous avons proposé que la reproduction sexuée a évolué car elle permettait de mieux contrecarrer les infections par des cellules cancéreuses transmissibles. Donc voilà qui est surprenant, j'imagine que un peu. Ça mérite des explications. Donc comme on l'avait vu dans une des émissions précédentes où vous m'aviez invité, les premiers organismes multicellulaires avaient comme contrainte majeure la gestion des cellules tricheuses, les leurs, mais très probablement aussi celle des individus dans le milieu, hein, avec des défenses anticancères qui étaient naissantes et sans doute rudimentaires, puisque c'était la première fois dans l'histoire du vivant que nous avions des sociétés de clones. Et donc les cellules tricheuses transmissibles devaient même sans doute être un véritable fléau pour les premiers organismes multicellulaires du précambrien, donc il y a plus d'un demi-milliard d'années. Il y a d'ailleurs encore des cancers contagieux, j'en ai parlé la dernière fois avec les diables de Tasmanie, avec également chez des bivalves, c'est sexuellement transmis chez les chiens également. Et en fait, une première étape dans toute forme de lutte contre un envahisseur, c'est de l'identifier comme un étranger, du non-soi, comme disent les immunologistes. Alors c'est vrai qu'un mode de reproduction sexué ou asexué, ça n'influence pas la capacité à reconnaître un étranger comme un parasite classique, puisque c'est une espèce qui est différente, donc il possède un génome différent. Mais la tâche peut sembler beaucoup plus ardue vis-à-vis de cellules cancéreuses au sein d'une espèce à reproduction asexuée. Parce que si vous êtes identique génétiquement à votre voisin, eh bien les cellules cancéreuses qui émergent dans son organisme sont tout aussi proches de vos cellules saines que des siennes, et donc déjà préadaptées à votre organisme. Et en plus de ça, j'imagine que quand on se clone et qu'on a un début de cellules tricheuses ou un début de cancer, on le transmet à son clone. C'est comme ça qu'il faut le voir. Par exemple, chez les hydres que je possède dans mon laboratoire, qui peuvent se reproduire de façon asexuée, hein, par bouturage, hein, ils bourgeonnent, eh bien, effectivement, les individus qui sont porteurs d'une tumeur, eh bien, ils bourgeonnent en transmettant directement le cancer à leurs descendants. Alors que lorsqu'ils font de la reproduction sexuée, ça passe par des gamètes et leurs descendants n'ont pas le cancer. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'est apparu le sexe dans l'histoire du vivant multicellulaire? Oh, c'est une histoire compliquée. C'est apparu certainement depuis l'origine de la vie. Si on prend comme définition du sexe l'idée de simplement brasser de l'ADN pour générer des conditions nouvelles. Mais en tout cas, par rapport au cancer, une façon radicale de reconnaître toutes les cellules cancéreuses contagieuses qui tenteraient de vous envahir, c'est d'être unique. Et c'est vrai que la reproduction sexuée et la recombinaison conduisent à cela. Au sein d'une espèce sexuée, les cellules cancéreuses produites par un individu sont, en cas de contagion, immédiatement reconnues comme du non-soi. Et donc, ça permet d'éviter de contaminer également vos propres descendants. Mmh. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que cette histoire est compatible avec les observations. Et la réponse, en fait, est oui, à plusieurs niveaux. Par exemple, chez l'homme, des cas de transmission de cancer de la mère à l'enfant pendant la grossesse concernent des cellules cancéreuses qui disposent d'adaptations particulières qui leur permettent justement de ne pas être reconnu. Si vous avez des jumeaux, c'est des vrais jumeaux et qui sont identiques génétiquement, eh bien si malheureusement l'un développe une leucémie in utero, eh bien il va la refiler à l'autre. Ce qui n'arrive pas si c'est des faux jumeaux, puisque dans ce cas-là, eh bien les cellules cancéreuses sont détectées comme des intrus et elles sont éliminées. Alors maintenant que Frédéric Thomas, votre théorie est formulée, elle est publiée, il va falloir l'éprouver en quelque sorte. Comment est-ce qu'on pourrait quantifier cet effet protecteur ou le tester expérimentalement? Est-ce que vous avez des idées pour aller un peu plus loin? Alors la façon idéale, à mon avis, de le tester, ça serait par exemple sur des souris, de faire porter par une femelle, une mère cancéreuse, un embryon cloné, c'est-à-dire identique à la mère, et un embryon issu de reproduction sexuée. Et la prédiction, c'est que l'embryon qui est identique à la mère devrait malheureusement être infecté par les cellules cancéreuses de la mère et donc donner naissance à une petite souris qui a un cancer. Donc ça serait l'idéal pour le tester. Sinon, il y a plusieurs observations qui sont compatibles avec cette théorie. Et donc c'est juste le début. Hein. On espère que certains vont s'emparer du sujet et tester et mettre à l'épreuve cette hypothèse. Merci beaucoup Frédéric Thomas. Ça vient juste d'être publié. C'est dans Plus One, hein, c'est Plus ça Biology. Plus Biology. Ah, voilà. Plus Biology. Cette publication donc autour du sexe et du cancer. Merci beaucoup à vous. Je signale le titre de ce livre dont vous étiez venu nous parler effectivement dans l'émission L'abominable histoire du cancer, publié chez Humaine Science. Merci à vous. Et Axel, on se retrouve lundi. À lundi, bon week-end. Allez, dans un instant, le club de la tête au carré. Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête, sur un coup de tête. fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre, le ciel est noir d'oiseaux. La vérité nue, la vie crue, les nuits bleues, le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Le ciel a changé, il a changé, enfin de place. Bertrand Belin est dans le club cet après-midi, les deux derniers candidats de ma thèse en 180 secondes, des rêveurs lucides et une nuit de l'astronomie. C'est parti. La tête au carré, ma thèse en 180 secondes sur France Inter. À toi. Et c'est déjà la fin de ce parcours au micro de la tête au carré avec tous les candidats avec lesquels nous avons fait connaissance, Émilie Huby et Sylvain Laborde. Vous êtes donc les deux derniers et jeudi prochain, eh bien, vous serez avec vos camarades sur la scène de la Maison de la Culture de Grenoble pour la finale donc de MT 180 avec le CNRS et la CPU. Et on va faire connaissance évidemment avec vous aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que vous étiez 600 doctorants, je crois, au départ. Hein. C'était faramineux parce que évidemment tout le monde s'est présenté dans toutes les universités de France. Et pour cette sixième édition, eh bien, il fallait en garder 16. Donc finalement, c'est déjà un très très bon parcours, Émilie et Sylvain, que vous avez réalisé, non? Ah oui, c'est sûr. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à arriver jusque-là, donc ouais. Je suis très contente. Vous avez eu le sentiment que la compétition était assez difficile, Sylvain, ou pas? On a été très bien accompagnés par nos formateurs régionaux depuis le début. Et donc c'est, je vis ça comme la suite d'une grande aventure. On a vécu les sélections régionales, les finales régionales, la demi-finale à Paris. Puis maintenant, on est content de retrouver les copains-copines pour la finale à Grenoble. Voilà. Bon, alors là, et en plus, il y a quand même aussi la finale internationale en ligne de mire, hein, puisque celui qui arrivera le premier à Grenoble aura également un billet d'avion dans la poche pour partir au Sénégal en septembre. Comment vous avez été encadré, justement? Vous nous disiez, on a eu nos formateurs qui nous ont suivis. Ça s'est passé comment exactement alors ça? Alors je peux parler donc pour la Team Normandie. On a eu la Team Normandie du CNRS qui est basée au Dôme à Caen, qui est un bâtiment dédié à la vulgarisation scientifique. Mm-hmm. Et cette équipe nous a accompagnés depuis le début, nous a soutenus, nous a aidés à valider nos diapos, notre texte, etc. Et on a eu aussi l'opportunité d'avoir un coach professionnel, Harry, qui super avec expérience radio et télévision et qui nous a mis. Donc c'était utile pour vous? Ça vous a beaucoup aidé? Ouais, parce qu'on n'est pas habitué, évidemment, forcément, quand on est thésard, à se retrouver face au public. Alors, Émilie, ce sera à votre tour, vous qui êtes doctorante à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. Ouais. Et cette thèse, donc, caractérisation, détection et modélisation de l'effet thermique sur les matériaux de la basilique Saint-Rémy en particulier. Et pour en discuter, eh bien, on va entendre tout de suite un extrait de votre prestation. C'était à l'occasion de la demi-finale. Je vois Reims dans Milan. Tous les bâtiments sont tombés en ruine. Non, non, attendez. Je vois la basilique Saint-Rémy qui tient encore debout. Excusez-moi, j'étais en transe. Oui, pour ma thèse, je m'intéresse au futur. Et plus particulièrement au futur de la basilique Saint-Rémy de Reims. Pas pour lui prédire santé, travail et amour, mais pour aider à sa restauration et la préserver au mieux. En effet, les pierres des bâtiments, des monuments vieillissent. Elles s'altèrent. Moi, je m'intéresse à l'altération des pierres de la basilique Saint-Rémy. Mais attention, on peut pas faire tout ce qu'on veut avec la basilique. Prélever, percer, perforer, non, non, non, non. C'est quand même un monument qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pour ça que j'utilise mes talents de divinatrice pour lire l'avenir. Car Émilie, vous êtes un peu la Madame Irma de cette édition 2019. Oui, hein. Tout à fait, ouais. C'est ce que vous nous apprenez en tous les cas avec ce travail sur l'effet thermique des matériaux. Alors de cette basilique, pourquoi exactement celle-là à Reims? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé en particulier? Parce que c'est déjà un monument intéressant et l'accès était aussi plus facile parce que à Reims il y a aussi évidemment la cathédrale, mais l'accès était plus facile sur la basilique parce que donc dans mon travail on a posé tout un réseau de capteurs sur la basilique et donc pour avoir l'accès au bâtiment et mieux cadrer un peu le bâtiment, c'était plus pratique à la basilique. Donc c'est votre objet d'étude et d'expérimentation en même temps. Alors ce procédé, on va l'expliquer, puisque ces capteurs, ça consiste en quoi alors exactement? Il y en a combien? Une quinzaine, je crois, Oui, il y en a 15 en ce moment même, qui depuis plus d'un an enregistrent toutes les heures, température et humidité. Donc ça fait un gros volume de données que ensuite j'analyse avec mon ordinateur et mes petits programmes. Ouais, mais ça c'est une nouvelle technologie que vous proposez ou elle existait déjà et vous en êtes emparé finalement pour votre thèse? Non, ces capteurs ils sont déjà utilisés. Là on l'adapte vraiment à Reims, au climat de Reims finalement, pour que j'analyse un peu l'environnement et que je le reproduise ensuite en laboratoire sur des tests. Ouais, donc cet environnement, c'est celui qui agit sur ces pierres de la basilique. Ouais. Hein, et selon les différences, et tout au long de l'année, vous étudiez les progressions de la matière, des matériaux en réalité, hein, c'est ça? Oui, selon la météo par exemple. Par exemple en été, quand il fait très chaud et que tout d'un coup y a une pluie froide, ça fait presque un choc thermique finalement sur la pierre. Et donc... la contrainte à ce moment-là n'est pas très forte, donc ça ne va pas faire grand-chose. Mais par contre, c'est avec le phénomène de fatigue thermique, petit à petit, ça peut endommager la pierre. Ouais. Ouais, elle a quel âge cette basilique exactement? Alors, c'est un peu compliqué son histoire, mais la construction a commencé vers le 10e, 11e siècle. Ouais. Sophie, vous avez une question pour Émilie? Vous avez posé des capteurs de pollution? Non, alors pas sur cette basilique. Il y a déjà une thèse qui a été faite, par contre, sur d'autres monuments à Reims, qui étaient plus sur la pollution. Alors, est-ce qu'elle vieillit bien déjà? Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats sur son évolution? Pour l'instant, les pierres tiennent le coup. Oui, ça a l'air, heureusement. Mais vous regardez vraiment dans le matériau, au cœur de la matière, presque. Ouais, du coup, j'étudie les pierres un peu qu'on retrouve sur la basilique et je leur fais subir les variations que j'observe. Pour l'instant, ça va. Après, j'aurai plus de résultats par la suite, mais pour l'instant, oui, mes pierres. Ouais. Et le but, c'est de modéliser tout ça pour pouvoir imaginer. Oui. Ça, c'est le travail de Madame Irma, justement. À quoi va ressembler la basilique dans quelques décennies, siècles, voire millénaires? Oui, c'est le but à la fin, ça va être d'avoir un genre de carte de risque de la basilique, de déterminer où les matériaux vont s'altérer le plus rapidement pour ensuite donner ce rendu à la ville de Reims pour les aider à la restauration, leur donner le maximum d'informations et qu'ils puissent ensuite restaurer comme ils le souhaitent. Bon, ça c'est un travail que vous pourriez faire sur n'importe quel monument ancien, j'imagine. Hein, oui, du coup il faut refaire ce travail de capteur, étudier l'environnement et après ça dépend aussi des matériaux. Moi j'étudie du coup des calcaires de la basilique, mais ensuite oui, cette technique, cette démarche, elle peut être reproduite sur d'autres monuments. Ouais, qu'est-ce que vous allez faire après la thèse alors, Émilie? Ça peut vous emmener vers quoi ce travail? Moi j'aimerais continuer dans la recherche et plus particulièrement dans la recherche des matériaux du patrimoine toujours. Très bien. Donc, là, je suis dans la pierre, mais pourquoi pas continuer dans la pierre? Oui, parce qu'il y a plein de disciplines du coup, hein. C'est aussi de l'histoire pour vous, de l'archéologie oui. Et de la science des matériaux. Hein. Tout à fait. Ouais. Bon, on en saura plus donc sur la scène de la Maison de la Culture de Grenoble jeudi soir. Et bonne chance à vous, Émilie Hubi. Merci. Et Sylvain, notre dernier doctorant, université donc de Normandie, centre d'études de sport et action motrice. Le CESAMS, qu'est-ce qu'on y fait exactement? Alors, ça va être toutes les disciplines d'études sur le sport. Et je veux juste mentionner que je suis également en Allemagne, basé à l'Université allemande du sport de Cologne. Voilà, c'est mes deux affiliations. Alors, Sylvain, on va écouter également votre prestation, en tout cas un petit extrait à l'occasion des demi-finales, et on va voir que vous devez beaucoup à Zinedine Zidane. Vous prenez tous, s'il vous plaît, votre index droit, et vous allez aller le loger dans le lobe supérieur de votre oreille droite. Et vous allez vous tapoter très rapidement l'oreille. On est en train de stimuler la police de notre cerveau. La leçon pour vous à retenir ce soir, c'est qu'à présent, quand vous remarquerez que quand votre police de travailler arrête, vous aurez tous les éléments afin de la remettre à ses enquêtes pour empêcher, je vous le souhaite, que vous ne partiez comme Zinedine sur un coup de tête. Voilà, et c'est la chute, justement. Alors, désolé, on a mis la fin de votre prestation, donc on a un peu spoilé votre prestation. Mais évidemment, il y a une histoire tout à fait particulière qui nous renvoie en 2006, c'était en juillet, avec ce fameux coup de boule de Zinedine Zidane. Et pourquoi ça vous a inspiré, vous, pour votre travail de thèse, quelques années plus tard, alors? Alors en fait, je me suis vraiment posé la question, je pense comme beaucoup de monde devant sa télévision ce soir-là, comment c'est possible que le meilleur joueur du monde, dans les moments les plus importants de sa carrière, puisse perdre à ce point le contrôle. Et donc j'ai commencé à chercher. Alors, je mets des électrodes sur la tête, sur le cœur des sportifs. Je vais m'amuser à les stresser, à les provoquer pour voir comment ils réagissent et ce qui se passe. Et j'ai découvert effectivement des choses très intéressantes avec un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui va relier le cœur au cerveau. Oui. Et ce nerf vague, j'ai appris à le stimuler pour éviter que ça se reproduise. Bon, et vous êtes le premier à faire ça ou ça existait déjà? Alors, on va dire, il y a pas mal de chercheurs qui s'y intéressent. Moi, j'ai vraiment beaucoup approfondi le cas des sportifs parce que malheureusement, encore depuis 2006, tous les week-ends, les sportifs nous donnent l'occasion d'observer des pertes de contrôle sur le terrain. Ouais. Mais ce qui a été intéressant, donc, je peux déjà dire aussi que cette thèse, c'est ma deuxième thèse. Donc la première, c'est vraiment comprendre ce qui s'était passé. La deuxième, c'est plus spécifiquement savoir comment éviter que ça se reproduise. Et donc, c'est à travers mes recherches, je me suis focalisé, c'est ce que je présente dans MT180, sur par exemple des méthodes de respiration lente contrôlée qui vont aller stimuler le nerf vague, ou ce qu'on vient d'entendre comme passage. On appelle ça la stimulation transcutanée du nerf vague au niveau de l'oreille afin de réactiver ce que j'appelle la police du cerveau et d'éviter que ça se reproduise. Voilà, ouais, donc c'est vraiment le contrôle de soi que vous travaillez avec donc des sportifs, puisque vous êtes déjà amené à être avec eux régulièrement. Et alors, une simple respiration, parce que vous avez testé ça avec le public, suffit justement à agir sur ce nerf? Alors une simple respiration, une respiration appelée lente et contrôlée, c'est-à-dire qu'on va avoir un temps très spécifique à respecter d'inspiration et d'expiration. Alors traditionnellement, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration pour ce qu'on appelle appuyer sur le frein, une expiration un peu plus longue. Oui. Mais chaque individu, chaque être humain a une fréquence spécifique en fait de respiration qui va provoquer ce qu'on appelle une résonance cardiovasculaire afin d'optimiser le couplage entre donc le fonctionnement cardiaque, les poumons et le cerveau. Voilà, Sylvain qui respire peu d'ailleurs en le disant parce qu'il a un débit quand même très très rapide. Alors Sandrine Codis, vous aviez une question à lui poser. Une petite question sur la façon dont vous faites les expérimentations sur les sportifs. Donc c'est quel genre de stress ou de provocation que vous utilisez? Oui. Alors, on a plein de manières joyeuses de stresser nos sportifs, et donc celles que je peux citer, on va beaucoup les mettre sous. On va essayer toujours de reproduire le stress qu'ils peuvent avoir en compétition. C'est-à-dire, on va leur mettre des caméras avec des experts qui vont les juger tout le temps. On va leur mettre des stimulus auditifs, style on va aller dans des stades, enregistrer quand le public va siffler l'arbitre, va siffler les joueurs, et ça, on va leur passer en boucle pendant très très très longtemps. Ah oui, très agaçant. Et voir ensuite comment ils réagissent. Le maximum que le comité d'éthique nous autorise, c'est 75 décibels. Par ailleurs. Ah oui, il y a quand même des limites, évidemment, voilà. Ce qui est pas mal. Alors, notre comédien Marien Tillet, oui, qui aurait peut-être besoin de travailler sur son nerf vagal aussi, non, avant de rentrer question, en scène. Du coup, je me demandais, est-ce que vous agissiez sur la fatigue, justement? C'est-à-dire, est-ce que vous leur demandez de faire deux nuits blanches et puis comme ça, ils sont bien en air et... Alors, j'ai des collègues qui font ça, mais c'est en fait, quand je suis en interview, je reçois aussi souvent la question, est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Est-ce qu'on peut tous devenir des Zidane? Et ma réponse, c'est clairement oui. Et quand on va être dans des situations de fatigue, de pression, de stress, on a tous potentiellement alors un nerf vague qui est complètement désactivé et la possibilité de complètement perdre le contrôle. Sophie, qui maîtrise très bien son nerf vagal. Un petit peu de yoga, ça leur ferait beaucoup de bien, c'est sportif. C'est le même principe. possible, finalement. Oui, c'est ça. C'est... Exactement. Toutes les méthodes de relaxation qui vont insister justement sur ces respirations lentes vont contribuer à la stimulation du nerf vague. Mmh. Donc, pour moi, pour rétablir la paix dans le monde, il faut que le monde devienne ce qu'on appelle plus parasympathique. Et le nerf vague est le nerf principal du système parasympathique. Donc, il faut qu'on devienne un monde parasympathique. Bon, bah écoutez, vous avez du boulot encore devant vous, hein, Sylvain Laborde. Et on pourra évidemment en savoir plus sur la scène de Grenoble pour votre prestation à l'occasion de MT 180. Donc, c'est le dernier rendez-vous aujourd'hui, 18h30 jeudi, pour tous ceux qui ont la chance d'avoir déjà leur place pour assister à vos prestations. Et en attendant, on peut voir la vidéo de tous les candidats sur le site mt180.fr. Il y aura évidemment toutes les infos également pour nous retrouver à 18h30, puisque j'aurai le plaisir de présenter cette finale en compagnie de Bertrand Perrier. Allez, on reste ensemble et dans un instant, on part au théâtre. Expressions à l'instant. La tête au carré, le club sur France Inter. Et Sophie, vous nous emmenez au théâtre avec votre invité ce week-end. Voilà, Marien Tillet a donc mis en scène, écrit et joue cette pièce paradoxale où, comme il nous l'a expliqué, on parle des rêveurs lucides, cette capacité qu'ont ces rêveurs à contrôler leurs rêves. Pour quelles raisons vous êtes intéressé à ce sujet assez scientifique? Est-ce que vous seriez un rêveur lucide vous-même? Exactement. Enfin, je l'ai beaucoup été quand j'étais adolescent, comme beaucoup d'adolescents, et que je restais dormir sur des grasses matinées qui n'en finissaient pas. J'avais le matin des zones où je rêvais beaucoup. Je faisais sur des espaces de réveil de toutes les 10 minutes des rêves qui pouvaient durer des heures et des heures. Donc j'adorais ça. Et vous contrôliez quoi? Qu'est-ce que vous pouviez contrôler? Toute l'histoire? Alors je suis assez peu actif quand je suis rêveur lucide, mais en tout cas c'était vraiment moi, comme je parle du stade 1, c'est-à-dire que en cas de danger ou de mort imminente dans le rêve, j'étais capable d'intervenir et de dire ok, ça, cette situation ne me va pas, je vais la faire évoluer. Je changeais pas d'endroit. je pouvais faire évoluer l'adversaire qui était en face de moi, ou je pouvais me dire, ok, je vais réussir à voler, je vais y arriver. Et je sentais une douleur dans les jambes qui était certainement due à de la circulation, etc., un rapport avec la réalité. Et j'étais capable, du coup, de me dire, ok, là, il faut que je fasse quelque chose, sinon, ça va mal se finir. Et finalement, c'est ça qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet qu'est le sommeil, le rêve? Oui, entre autres, toutes les questions des troubles du sommeil m'intéressent beaucoup. Mais moi, je me suis beaucoup auto-collecté dictaphone à cassette, mini-disque et tout ça. Et vraiment, là où j'étais impressionné, c'est que moi j'écris des histoires, c'est mon métier, je suis auteur au plateau, et à chaque fois que je me réveille, je me dis mais cette idée elle est géniale, je n'aurais pas pu l'avoir devant un carnet de manière volontaire, et je me dis toujours que le cerveau a cette capacité de nous faire survenir des choses qui sont impossibles à solliciter en état d'éveil. Voilà. Alors cette pièce c'est justement ça, on navigue entre le rêve, la réalité, on va d'abord en écouter un extrait. Mon responsable vient me dire que si je profite du travail pour régler mes soucis familiaux, il sera obligé de procéder à une retenue sur salaire. J'essaie d'expliquer à mes enfants que je ne peux pas continuer à discuter avec eux, mais à ce moment-là, il y a des tentacules qui sortent de leurs manches et qui m'enveloppent. Des clients qui sont arrivés après eux se plaignent de l'attente, comme s'ils ne voyaient pas ce qui m'arrive. Et dans la file, il y a vous, la professeure Planis, puis vous, madame Paulette, et même toi, Alexandre. Je sais que je suis en train de rêver, je sais bien. Marénine voudrait sortir de la pièce 316. Lapin, entrez, viens. Mais elle sent une présence derrière elle. Quelque chose bourdonne. Serre, ouvre-moi. Où le chasseur. Une mouche vient passer juste à côté de son oreille, poursuit son chemin et vient se poser sur la cage en verre où se trouve le chat, juste devant Marilyn. Marilyn étant cette journaliste qui a accepté donc de participer à une expérience médicale, vous l'entendez, il y a une ambiance très très particulière dans ce spectacle. Vous l'avez intitulé thriller scientifique, pour quelle raison? Qu'est-ce que vous avez voulu, où est-ce que vous avez voulu emmener le spectateur? Mais alors, la raison, c'est que moi, j'aime beaucoup le surnaturel, le paranormal, le fantastique et ces choses-là. Et dans les spectacles qu'on fait à la compagnie, qu'on écrit, l'idée, c'est l'architecture du réel, c'est-à-dire d'avoir des codes et des conventions. Le plus elles sont scientifiques, le plus elles sont étayées et partagées avec le public, plus l'irruption du surnaturel et du fantastique va être déroutant, va nous cueillir, va nous déstabiliser. Alors c'est ce qui se passe, puisqu'il y a des passages assez classiques où vous nous expliquez des choses, on va dire, scientifiques. Et puis à un moment donné, ça dérape, l'expérience de Marilyn dérape. Oui, c'est ce qu'on essaye. On est à peu près vers 40-45 minutes, c'est toujours ça. Où moi j'ouvre plein de tiroirs, c'est vraiment une écriture cinématographique. On ne sait pas ce qu'est le début, la fin, oui. Qui parle et tout. Et au bout de 45 minutes, ça commence à, les choses qui sont un peu disparates commencent à s'agglomérer, à s'agréger. Et on est en train de se dire, mais mince, on est en train de se faire piéger. Moi, j'appelle ça le piège à ours, quoi. Ça marche assez bien. J'amène les gens jusqu'au piège à ours et je claque, on peut plus ressortir. C'est fini. Donc voilà, on est là, nous, dans la salle, on se dit, alors, qu'est-ce qu'on vient de nous raconter? Je suis perdue, c'est la réalité, c'est le rêve. Alors, la forme est extrêmement intéressante. Vous êtes seule en scène avec une économie de moyens phénoménale où le son. Ah, il n'y a pas Marilyn sur scène? Non, Marilyn n'est pas là. Ah, c'est moi. Marilyn joue tous les personnages. Et donc, avec une économie de moyens, c'est-à-dire la lumière et une bande son, vous réussissez à faire différents décor, c'est extraordinaire. Et alors la bande son, ce qui est important de dire, c'est que on n'utilise pas de bande son, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un régisseur qui met un petit CD et tout ça. C'est que chaque son, même ce qu'on a entendu, provient de choses que je fais moi et qui sont samplées, comme le font les musiciens. Donc je vais faire un, on peut faire un double album, on en a et tout d'un coup ça part en boucle. Je peux continuer à parler dessus et toutes les ambiances qu'on entend dans le spectacle ou même dans les extraits. Le son d'origine, il vient de l'être humain qui est sur le plateau et qui s'adresse au public. Mais vous arrivez à faire de la musique et à parler en même temps, mais vous avez un don très très particulier. Mais c'est, là pour le coup, le régisseur est important, c'est-à-dire qu'il capte ce que je fais en direct et il le boucle. Ah, très bien. Alors il y a donc une seule table, une lumière et puis des petites bouteilles qui surgissent, des petites bouteilles d'eau. Pourquoi ces bouteilles d'eau? D'où vous est venue cette idée? Parce que le son qu'elles font en glissant sur le bureau, le nombre que vous sortez, le spectateur ne sait plus tellement d'où elles arrivent. L'effet est prodigieux. Oui, c'est-à-dire qu'on démarre avec... C'est un grand bureau avec une esthétique très grise, c'est très froid. Et il y a une bouteille sur le bureau. Et en général, les gens se rendent compte au bout de 4 ou 5 bouteilles qu'il n'y en avait qu'une au début. Et ils se disent à leur voisin, mais attends, mais il y avait qu'une bouteille, mais il y en a 5. Mais non, il y en a 7. Mais je ne comprends pas, ils nous parlent d'où il les sort. C'est une sorte de magie nouvelle et on finit à beaucoup de bouteilles. À un moment donné, il y en a facile 33 et on finit, je crois qu'on doit être à 40 ou 50 bouteilles. Et alors pourquoi la bouteille? Parce que du coup c'est des bouteilles plastiques transparentes. Oui, je sais. Ça y est. Mais alors la bouteille plastique. Mais alors attention. Hein. Attention. On utilise les mêmes depuis la création en 2016. Ah bravo. Et même des gens disent elles sont assez abîmées. Bah oui, mais justement on veut pas bravo. Les jeter à chaque fois. En tout cas, ça symbolise un peu l'éprouvette, ça symbolise ça. Et il y a surtout la question de l'eau, qui est une thématique très très forte dans les rêves de beaucoup de gens, la question de la noyade, la question de quelque chose qui tout d'un coup prend beaucoup de place. Et surtout, allez, j'ai une bouteille d'eau là. Ça permet de faire du son, ça permet de souffler, on peut faire plein de trucs. Voilà, ça me permet d'avoir un peu mes instruments sur les bouteilles. Ouais. Mais du coup, c'était important, la base scientifique, vous avez lu beaucoup sur les rêves, le sommeil, est-ce que vous avez lu tout Michel Jouvet, ce chercheur? Alors, j'ai lu pas mal Michel Jouvet, c'est vrai. Moi, je me suis intéressé aux rêves très rapidement, parce que du coup, je faisais beaucoup de rêves, et beaucoup de rêves lucides quand j'étais ado et même jeune adulte. Donc, le rêve m'intéressait, les troubles du sommeil m'intéressaient. Il y a ce documentaire génial qui est sur l'INA, vous en parliez tout à l'heure, qui s'appelle Les Serruriers du Sommeil, d'où me vient l'idée de cette histoire de chat dans les cages de verre et tout, d'expérience où apparemment Michel Jouvet et ses camarades piquaient des chats dans le voisinage pour faire des expériences dessus. Bref. On ne peut pas savoir quoi en même temps, on ne va pas aller dans les détails. Pas trop. Et j'ai rencontré cette scientifique qui s'appelle Perrine Ruby, qui est une scientifique à Lyon qui travaille à l'INSERM et au CNRL de Lyon. Et avec l'angoisse de l'artiste qui dit, bon, alors moi je vais utiliser de la matière scientifique, mais à part Science et Vie et puis quelques livres comme ça que j'ai lus, je ne suis pas scientifique. Et elle m'a rassuré, elle m'a dit, c'est de l'art, tu fais ce que tu veux. Mais quand même, j'étais pas bien. Et elle est venue à la première ou à la deuxième, et elle, comme ça, je me suis dit, voilà, ça lui a pas du tout plu. Et on fait une conférence ensemble derrière, elle dit au spectateur, tout ce qui est dit scientifiquement est exact. Juste. C'est ça qui est extraordinaire. Non, c'est une pièce tout à fait extraordinaire. J'imagine que le nerf vagal, ça pourrait être aussi un bon début, non? Mais c'est vraiment comme ça que je procède. C'est que j'aime vraiment cette question de science pour faire l'architecture du réel, pour produire quelque chose qui est réel. Je pars de la fatigue au début du spectacle en me disant, bon, de toute façon, tout le monde est fatigué. Et c'est quelque chose qui permet de réunir le public. Ok, les gens se disent, oui, effectivement, on est fatigué. Donc, avec des choses du quotidien, des choses scientifiques, on se met d'accord sur une convention. Et oui, le nerf vague, m'intéresse beaucoup et je sens que. Bon, ben voilà, il y a des ponts qui se créent au micro de l'Atelier Carré. Alors, vous êtes en tournée en ce moment, Marien Tillet, c'est ça? Oui, alors on joue le 18 juin prochain à l'appel du Général de Gaulle à Argenteuil, au Figuier-Blain. C'est presque que plein. Je crois que c'est une salle de 400 personnes. Le 29 novembre, vous êtes à Aubernais. Tout à fait. Dans le Haut ou Bas-Rhin. Absolument. En Alsace. Et puis en janvier à Thionville, Grand Est. Merci Mathieu. Voilà, et puis peut-être que des directeurs de salle, en vous écoutant, vous font jouer. C'est vraiment une pièce formidable, très très maîtrisée et... Paradoxal, c'est son titre. Paradoxal, c'est son nom. Et après, pour ceux qui ne peuvent pas attendre octobre-novembre, on joue Le Dernier Ogre, qui est sur la faim et le cannibalisme. Ah oui. Le Petit Poucet, au Festival d'Avignon, 11 Gilgamesh, à 14h45, tout le mois de juillet. Sandrine Codis, est-ce que ça rêve beaucoup aux structures de l'univers, une astrophysicienne? Ah, tout le temps, je c'est crois. C'est vrai, vous faites des rêves de ciel, d'étoiles? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah. Et des fois, s'endormir sur une difficulté, ça nous permet de nous réveiller avec une idée. Bah là, vous aurez de quoi faire avec la nuit de l'astronomie. On en parle dans un instant avec vous. Que nous avions souvent traité. notre ami quand il cascadait dans les mots. Quand il sera vieux, qu'il ressemblera à Robert Mitchum et que sur de lui il ne clamera pas de soucis. No suicide, comme il dit, no suicide. Personne, non personne ne rira de lui et tout le monde aura un joli sourire conquis posé sur les lèvres. Il était comme ça. Don Diego 2000, c'était Dionysos sur France Inter. Le club sur France Inter. Et le dernier sujet de ce vendredi, c'est la nuit blanche de l'astronomie dans le cadre des 80 ans du CNRS, parce qu'on a parlé de MT-180 tout à l'heure, mais il y a aussi cet anniversaire important cette année, et ça va se passer en l'occurrence pour cet événement à l'Institut d'Astrophysique de Paris, dans la nuit donc de samedi à dimanche, demain soir. Francis Bernardo et Sandrine Codis, vous êtes avec nous pour en parler. Francis Bernardo, vous êtes physicien théoricien au CEA et directeur de l'Institut d'Astrophysique de Paris, et Sandrine Codis, vous êtes astrophysicienne chargée donc de recherche au CNRS. Et le public, Francis Bernardo, vaut bien une nuit blanche quand même. Hein. Absolument. Vous avez réussi à convaincre tous vos confrères? Ça a été facile? Il y a beaucoup, beaucoup de personnes de l'IAP, donc de l'Institut d'Astrophysique de Paris, qui sont mobilisées pour cette nuit. Je crois qu'on a dans le laboratoire à cœur de partager beaucoup de chercheurs, mais aussi de personnel de l'IAP en général, a beaucoup à cœur de partager cette... Voilà notre recherche, ce qu'on fait, et on le fait régulièrement au cours de l'année. Là, c'était quand même une occasion tout à fait exceptionnelle pour ces 80 ans de monter un événement. Et c'est assez rare qu'on fasse une nuit blanche tout de même. C'est ça. Même si on fait de l'astronomie. On va en profiter, oui. Alors ça, c'est plutôt courant pour votre profession, de passer quelques nuits blanches, j'imagine. Enfin, pour certains, pas pour mais, tous. Mais rarement, en tout cas, avec le public. Alors, vous êtes boulevard Arago, hein, au 98 voilà. bis. Donc, c'est le métro d'Enfer-Rochereau ou Saint-Jacques pour ceux qui souhaitent aller vous rejoindre. Donc, demain, ça va commencer à partir de 19h. Hein. Donc on accueille le public effectivement à partir de 19h. Le début vraiment des présentations sera déjà à 19h30, un petit film d'accueil, puis ensuite 20h. Donc c'est Sandrine qui sera le premier à ouvrir le bal. Exactement, avec grand plaisir. La nuit. Mais il n'y a pas que des conférences, hein. Il y a tout un tas de moyens qu'on a mis en place pour accueillir le public et pour partager ce qu'on fait. Donc, pour les plus intéressés, des conférences, une série de conférences, on y reviendra peut-être. Conférence express, hein, c'est 30 minutes, c'est 30 ça minutes, le but, c'est de pouvoir aller vite aussi. 30 minutes, accompagnées par des youtubeurs, en fait. Hein, donc, toutes ces conférences seront retransmises en direct. Sur YouTube. YouTube, donc, ça, c'est une bonne idée, hein, parce que ceux qui nous écoutent et qui aimeraient vous entendre pourront y participer et s'offrir aussi une nuit blanche à la maison. Voilà. Donc, on verra s'il y a beaucoup d'auditeurs aussi. Ouais. Qui nous accompagneront, puisque tout le monde aura la possibilité d'interagir avec les orateurs à l'issue des présentations. C'est aussi l'objectif. Hein. Donc que ce soit le public qui aura la chance d'être dans la salle, et puis ceux qui seront derrière leur ordinateur, leur tablette, que sais-je. Ouais. Et puis en même temps, des dessinateurs pour accompagner ces orateurs. Donc ça, c'est la partie, on va dire, le cœur de cette nuit. Et si le temps le permet, un certain nombre de... Alors là, ouais, oui, hein. On a entendu, ouais, alors là, on a vous entendu pas de le bol, flash hein. météo tout à l'heure. Ouais. Ça va pas être terrible. Ouais. On espère quand même quelques éclaircies. Fenêtres, voilà. Quelques éclaircies, puisque on mettra à disposition du public du matériel d'observation astronomique. Alors, c'est plutôt du matériel amateur, en fait, qui nous est prêté, donc mis à disposition par les partenaires de l'événement, que sont la Société Astronomique de France, l'Association Française d'Astronomie et les Petits Cueilleurs d'Étoiles. Ça, c'est une association qui fait beaucoup pour découvrir le monde de l'espace. Voilà, donc là, c'est vraiment au-delà des conférences et des choses où on a l'habitude de montrer des belles photos, c'est sûr. Ouais. Parce que le but, c'est quand même extraordinaire, c'est de monter sur la terrasse de l'Institut pour aller regarder directement dans les télescopes. Et alors, la question que je voulais vous poser, c'est quand on est un institut comme ça, en plein cœur de Paris, la pollution lumineuse n'est pas gênante pour observer le ciel? Ah si, mais donc on fait pas de l'observation professionnelle à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Là, c'est vraiment du matériel pour amateurs et voilà, c'est pour faire plaisir au public, voir donc si le temps le permet quelques objets, la Lune, peut-être quelques planètes, Jupiter, Saturne, en milieu de nuit peut-être. Donc ça, on peut voir ça du centre de Paris, Oui, tout à fait. Malgré la pollution. Alors, avec un peu de chance, donc là on va passer une météo très très perturbée. S'il a beaucoup plu, le ciel va être bien nettoyé, pas de pollution et on aura un ciel très clair et ça va être une belle observation. Non, ce sera entre 22h et 4h du matin au conditionnel, on l'a bien compris, voilà. Mais allez, on croise les doigts, il y a pas de raison, il y aura peut-être une fenêtre qui permettra d'aller observer tout ça. Et puis donc ce marathon, c'est un vrai marathon de petites conférences de 20h à 8h du matin, 30 minutes chacun, pour nous raconter quoi d'ailleurs, Sandrine Codis, avec vos collègues, comment vous êtes concertés pour écrire le programme de cette nuit blanche? Tout simplement, je pense qu'on avait envie de tous partager nos recherches, notre métier, donc on a voulu avoir un petit tour d'horizon de toutes les thématiques qui nous intéressent, qui sont diverses et variées. Ouais. Donc il va y avoir un tour d'horizon de beaucoup de thématiques différentes, de cosmologie, de trous noirs, d'exoplanètes, soleil, on va parler de science-fiction également. Avec Roland Lehoucq, qui sera présent. Donc un programme très divers, et je pense qu'il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Parce que la particularité de l'Institut d'Astrophysique, Francis Bernardo, c'est vraiment de réunir à la fois la physique théorique et puis l'astrophysique. Absolument, donc on est un laboratoire d'astrophysique théorique en plein cœur de Paris, donc c'est vrai qu'on n'a pas on n'est pas équipé de télescope, donc il y a quand même un télescope sur le toit de l'Institut, qui sert plutôt pour en fait les étudiants, c'est-à-dire un support pédagogique. Ce qu'on y fait effectivement, c'est beaucoup d'interprétation des grands projets astrophysiques actuels, en particulier beaucoup de projets spatiaux sur lesquels on a des engagements assez importants, et donc avec à la fois des observateurs, des modélisateurs, des numériciens et des théoriciens. On a une équipe de théoriciens qui sont des spécialistes de relativité générale, gravitationnelle et tous les grands sujets de physique de l'univers en ce moment. Émilie Hubie, une question à vous poser. Oui, je me demandais si vous travaillez aussi avec l'observatoire de Meudon, parce que je connais un petit peu, il y a ma sœur qui est astronome là-bas. On la salue d'ailleurs, profitons-en. Oui, coucou Elsa. Alors bien sûr, toutes ces grandes expériences sont des grandes collaborations, et même au-delà de l'observatoire de Meudon. Donc l'observatoire de Paris-Meudon, en fait, c'est un seul établissement, donc ils sont nos voisins, hein, donc on mentionnait, nous sommes boulevard Arago, et l'observatoire est vraiment juste à côté. Effectivement, il y a tout un tas de programmes scientifiques qui se font en collaboration, y compris avec l'observatoire de Paris-Meudon. Mais en fait, je faisais allusion à ces projets spatiaux. Ce sont des projets vraiment complètement internationaux. Sandrine et moi-même, on fait partie d'une collaboration qui s'appelle Euclide. Et c'est 1200 personnes. Alors Sandrine, expliquez-nous, parce que ce satellite Euclide, c'est vraiment très très attendu. C'est pour 2022, l'envoi d'Euclide. Il va servir à quoi cet appareil, ce satellite? Donc je vais vous dire en deux mots, et puis si vous êtes intéressé, il faut venir m'écouter samedi soir. Mais donc l'idée, c'est, on a parlé de grandes structures tout à l'heure, donc on veut observer ces grandes structures pour en apprendre davantage sur l'univers. Donc les galaxies en particulier. Exactement, la façon dont elles se structurent. On veut comprendre le contenu de l'univers, les lois qui régissent son évolution aussi. Et donc plus on arrive à observer précisément ces grandes structures, plus on arrive à dire de choses sur notre univers. Et donc avec Euclide, on va pouvoir faire des observations très précises, donc imager peut-être 2 milliards de galaxies, je crois, sur les 10 derniers milliards d'années d'évolution de l'univers. Avoir aussi des positions 3D très précises de beaucoup de galaxies. Et avec tout ça, peut-être répondre à certains des grands défis de la cosmologie d'aujourd'hui. Peut-être, si vous avez entendu parler d'énergie sombre, de matière noire. Voilà un peu les grandes questions qui nous amènent. Les grands mystères de la physique. Allez, dernière question, Marien, t'y es très vite. Ce satellite, il tourne autour de la Terre ou c'est quelque chose, c'est une sonde qui part et qui va prendre des renseignements? Alors on va l'envoyer au point de Lagrange L2. Comment? Vous voyez où c'est, le point de Lagrange L2? C'est à droite, après la boulangerie. Si vous voulez, je vous donne une petite carte pour y aller. Voilà. Et donc, ce sera en 2022. Mais c'est où, réellement, c'est où le point de Lagrange? Le point de Lagrange L2, donc, c'est un point qui est dans l'alignement, il est de Soleil-Terre, donc l'autre côté du Soleil, en fait. Donc, il est même au-delà de l'orbite de la Lune, donc il est dans un endroit très spécifique et très utile pour les astrophysiciens. Ça permet d'observer l'extragalactique en minimisant les perturbations venant du Soleil et de la Terre. Voilà, on a une petite idée hein, oui, voilà, de sa localisation. Merci beaucoup en tout cas, Institut d'Astrophysique de Paris et cette nuit de l'astronomie. Donc ce sera samedi. Entre... Samedi à partir de 19h, donc le public est accueilli à partir de 19h. Il n'y a pas d'inscription nécessaire. C'est gratuit. Oui. Et je voulais juste dire que si on veut avoir le programme, on peut aller sur le site de l'IAP ou sur notre page Facebook où il y a également tout le programme détaillé. Et tout ça est en lien sur la page de la Tête au Carré. Merci beaucoup, vous avez raison de le préciser. Alors Sophie, en 1 minute 30, l'agenda du week-end. Pour Émilie qui aime les pierres, une exposition consacrée à ces pièces exceptionnelles que sont les météorites et en particulier celle du musée de minéralogie Mines Paris Tech. Vous savez que ce musée possède l'une des 4 plus belles collections au monde avec notamment des pierres représentatives de chaque style de météorite, hein, les chondrites, les achondrites, etc. Donc là, en plus de la célèbre Canyon Diablo, cette météorite qui est tombée il y a 49 000 ans en Arizona qui a créé le météore cratère, oui, eh bien le musée présente une météorite, celle de l'Aigle, dont on a observé la chute, une autre qui provient de l'astéroïde Vesta, de la planète Mars, de la Lune. Enfin, c'est formidable, c'est jusqu'au 28 septembre 2019. Et c'est où, pardon ? Au musée de minéralogie Mines Paris Tech. Très bien. Boulevard Saint-Michel. Les météorites, il en est aussi question à l'espace des sciences de Rennes dans cette exposition intitulée « Éternité, rêve humain et réalité de la science ». Vous voyez absolument de quoi il s'agit. Ah mais oui, tout c'est suite, évidemment hein. Ce rêve de l'homme de prolonger la vie, un rêve qu'il poursuit depuis l'Antiquité. Alors aujourd'hui, évidemment, avec la médecine, la génétique, la robotique, les esprits s'échauffent un peu. On se dit qu'on touche du doigt la fontaine de Jouvence. L'exposition évoque les limites qu'on cherche donc à repousser et puis ces animaux à la longévité exceptionnelle, la tortue, la palourde, le tardigrade. C'est jusqu'au 1er septembre, il y a déjà eu des conférences et ils ont la bonne idée à Rennes de les mettre en ligne sur leur site. Mmh. Et enfin, en Corse... Vous avez 2 minutes pour terminer en fait, Sophie. Je sais pas, je me suis trompée dans les calculs. Donc, pour la saison, donc, allez en Corse, traverser la Méditerranée, parce qu'à Aléria vient de rouvrir le musée archéologique. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi, on a découvert un tombeau étrusque sur une villa privée de Corse. Eh bien, dans ce petit musée d'Aléria, où il y a eu des fouilles il y a une vingtaine d'années, peut-être même beaucoup plus que ça, une cinquantaine d'années, il y a toutes les pièces trouvées à l'Eria et c'est une des plus belles collections françaises d'art étrusque. Évidemment, c'est dans son jus, mais c'est magnifique. L'art étrusque, vous savez, c'est ces peintures noires sur des terres rouges. Et toutes les infos sont sur le site de la Tête au Carré. Oui, merci Mathieu. Sophie.